إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on continue l'explication du livre du Cheikh Ahmed al-Najmi الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. Et on est rendu au point numéro 8 dans la réponse du Cheikh Ahmed al-Najmi à une citation de Abdullah Azzam. Et donc dans ce point numéro 8, le Cheikh il dit al-wajh al-thamin لما كتب عبد الله عزام هذا المقطع في الطعن على العلماء السلفيين وتنقصهم فيه كان تحت رئاسة صبغة الله مجدد وهو رجل يؤمن بأن الكون يديره ويتصرف فيه أولياء الصوفية ويتضح لك ذلك مما نقله الشيخ عثمان عبد السلام نوح في كتابه الطريق إلى جماعة الأم حيث قال بعد الكلام عن مجددي شركه في الربوبية. Donc le Cheikh qu'est-ce qu'il dit, il dit lorsque Abdullah Azzam a écrit ce passage dans lequel il critique et il attaque les ulama salafiyin et qu'il les rabaisse et qu'il les diminue, il était lui-même sous la dirigeance de Sibratullah Mujaddidi, qui était un des chefs des Mujahidin en Afghanistan à l'époque et qui fait partie des soufis, qui croient que le monde ou l'univers est contrôlé par les soufis, les saints parmi les soufis, les awliya. Parce qu'il y a, ça fait partie de la croyance des soufis que le monde tel qu'on connaît aujourd'hui est contrôlé par des soufis, okay, par des awliya parmi les soufis et par un qutb ou un rauf comme ils l'appellent, ou qutb al-qutb, ils ont beaucoup de noms, le pôle des pôles, ou bien le pôle ils l'appellent en arabe, ou bien al-rauf, donc ils ont beaucoup de noms. Différents noms, et il y a des hommes aussi en dessous de ça, enfin, comment ils les appellent, al-abdal ou al-yani, ils ont plein de différents degrés, là c'est comme une pyramide, jusqu'au raus, et yani, ça c'est leur croyance, ils les appellent rijal al-ghayb, les hommes invisibles, les hommes cachés, ils croient que ce sont eux qui contrôlent le monde en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est écrit dans leurs livres, dans leurs enseignements. Bien sûr, ils vont pas dire ça aux gens ouvertement, mais quelqu'un qui est familier avec les livres des soufis et familier avec leurs écrits, il va trouver ça facilement dans leurs livres. Et ça, peu importe la tariqa, plein de différentes tariqas, ils ont presque toutes ces idées et ces croyances bizarres. contraires à l'islam. Et ce sont des idées de shirk, qui sont des formes de shirk même dans al-rububiyya, c'est-à-dire dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh il dit que cet homme-là, Sibratullah Mujaddidi, il croyait en cette idée. Parce que faut savoir aussi qu'en Afghanistan, l'Afghanistan c'est un pays qui est rempli de soufisme, rempli de bid'a et de soufia et de kuburiya, des gens qui adorent les tombes et qui font toutes sortes de choses contraires à la sunna et contraires au tawhid. Donc ça c'est quelque chose qui est très important de savoir. Ensuite, donc le cheikh il dit que la preuve de ça, c'est ce qui a été rapporté dans un livre qui s'appelle At-Tariq ila Jama'atil Umm, à la page 157, par le cheikh Othman Abdul Salam Nouh. Dans ce livre-là, c'est lui qui a écrit ce livre, et il dit à propos de Mujaddidi qu'il donne des exemples de son shirk dans Ar-Rububiyya, c'est-à-dire son shirk dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit توجد رسالة توجد رسالة لصبغة الله المجدد بعنوان متن بيان بروسفور مجددي بروسفور المجددي إذ وفيها بيان لانحرافه في العقيدة من كل النواحي حتى وصل إلى شرك الربوبية الذي فاق شرك أبي جهل وأصحابه حيث قال في صفحة 17 ما نصه جاء في بعض كتب الصوفية بأن كل عام ينعقد مجلس للأولياء والمتصرفين على وجه الأرض اسمه ديوان الصالحين وفي هذا الديوان تحضر روح النبي صلى الله عليه وسلم وحيث الأولياء الكرام ويحضر غوث الزمان وهو متصرف الحوادث في الدنيا ويحضر قطب الزمان وهو متصرف الوقت. Voilà ce qu'il explique. Il dit que parmi les formes de shirk qu'il a dans Ar-Rububiyya, il y a justement cette risala qui a été écrite par Sibratullah Mujaddidi, justement qui était le chef à l'époque d'Abdul Azam. Et le titre de cette risala, c'est Matnu Bayan Birosfor Mujaddidi. Et il dit, dans ce livre-là, il explique sa croyance déviée. Il montre qu'il a une croyance qui est déviée dans tous les points de vue, dans toutes les catégories de science. Même que son égarement arrive jusqu'au shirk dans Ar-Rububiyya. C'est-à-dire non seulement le shirk dans l'adoration, ça c'est déjà clair, mais le shirk dans Ar-Rububiyya en plus de ça, yani, qui est une forme de shirk qui dépasse même le shirk de Abu Jahl à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on sait tous que même les idolâtres à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient le shirk dans al-uluhiyya, c'est-à-dire dans l'adoration, mais ils reconnaissaient al-rububiyya, c'est-à-dire ils reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala était le maître, le souverain, celui qui contrôle tout et qui est maître de tout. Et ben ces gens-là, subhanallah, ils ont dépassé Abu Jahl dans le shirk qu'ils faisaient. Ils sont même allés jusqu'à affirmer yani, des formes de shirk, ou à établir des formes de shirk même dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, c'est-à-dire, comme le shirk il explique que il croyait, comme il explique à la page 18, Sibratullah Mujaddidi, dans ce livre qu'il a écrit, il dit à la page 18 ce qui suit. Et il a été mentionné dans certains livres des soufis que chaque année, il y a une assemblée des saints qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre. Et cette assemblée-là, qui se produit chaque année, cette grande réunion, il l'appelle Diwan al-Salihin. ils appellent ça Diwan al-Salihin. Et ils disent que dans cette réunion-là, dans ce Diwan, il y a l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient, et également les awliya, les saints, les nobles saints. Et également, parmi ceux qui assistent, il y a Rauf al-Zaman, c'est-à-dire le Rauf du temps ou de l'époque, hein, c'est celui qui contrôle tous les événements qui se produisent dans la dunya, et également il y a Qutb al-Zaman qui se présente, et c'est celui qui régit et qui s'occupe du temps. Donc il y a Rauf al-Zaman et Qutb al-Zaman qui viennent, en plus de l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des awliya. Et il dit que Rauf al-Zaman s'occupe des événements et de tout ce qui se passe dans la dunya, et Qutb al-Zaman, lui, il s'occupe de qu'est-ce qui se passe dans le temps. Donc ça, c'est la fin de cette citation. Et bien entendu, ça, c'est des paroles d'égarement. Et on retrouve ça dans beaucoup de livres chez les soufis. Et ils croient en ça. Et moi-même, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai discuté, et ils m'ont avoué et affirmé clairement que oui, ils croyaient en ces choses-là. Donc c'est pas uniquement des choses qu'on trouve dans les livres que des gens ne connaissent pas ou que des gens ne croient pas en ça. Non, c'est des choses, malheureusement, ces choses-là se retrouvent dans les livres des soufis et ils y croient. Ils y croient, malheureusement. Donc, une fois, j'étais à Médine, justement, pas loin de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, juste en arrière, et j'étais avec des frères, je pense, américains, qui étaient venus dans un des hôtels qui était là-bas. Et un des employés de l'hôtel, qui travaillait là-bas, qui était soudanais, il était là et puis il commençait à discuter avec moi. Puis là, on discute sur quelques questions de l'islam, puis d'aqida et des choses comme ça. Et puis là, il commençait à me parler du fait que oui, les soufis, son nom c'était Mahjoub, ou quelque chose comme ça, Mahjoub. Je me souviens bien, Yann. Et il disait, ouais, il y a des hommes qui sont cachés, il y a le Ghaib, et il y a le Qutb et tout ça, et puis il commençait à me dire, oui, il faut croire en ça, c'est des choses de bien. Donc, Allah al-Musta'an, j'étais vraiment étonné, j'ai dit, vraiment, j'ai lu ça dans les livres, mais je croyais pas que des gens allaient jusqu'à croire en ces trucs-là, Yann. Et, Yann, et malheureusement, il y a des gens qui croient vraiment en ça. En tout cas, donc le cheikh il dit ensuite قلت وهذا القول فيه تعليق لعثمان عبد السلام نوح قال فيه فهذا شرك واضح في الربوبية تبرأ منه حتى المشركون القدامى إذ أثبت رئيس الدولة الإسلامية المزعومة أن تدبير الكون بيد أولياء الصوفية بينما أقر المشركون القدامى أن هذا كله بيد الله وحده قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فقل أنى تسحرون وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فصح بهذا أن هذا الرجل قد فاق شركه شرك المشركين الأولين ولا أدري ولا أدري أي صاحب عقيدة صحيحة يقاتل لكي يكون الدين كله لله ثم يقبل القتال تحت قيادة هذا الرجل لأن هذا الرجل إذا تمكن من مكان فسوف ينتصر فيه لعقيدته وينشر فيه مذهبه الشركي فيكون معنى هذا أننا نقاتل لتمكين المشركين والعياذ بالله وما انتهى ما أردت نقله. Donc le cheikh il explique ici que il dit que ça, il y a un commentaire de Othman Abdul Salam Nuh dans son livre à propos de cette de ce passage là qui est mentionné dans dans le livre de Sibghatullah. Et ce commentaire là c'est le suivant. Il dit ça c'est un shirk clair, ça c'est une forme de shirk clair dans Ar-Rububiyya, que même les mushrikines de l'ancien temps se sont désavoués de cette forme de shirk. Hein? Et donc, si le chef de ce pays musulman, prétendu pays musulman, croit et affirme qu'il y a des awliyas, des soufis qui sont en train de contrôler le monde, hein, eh bien, on voit que ça, c'est en contradiction totale avec même ce que les mushrikines de l'ancien temps disaient, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même d'avant, hein, ils affirmaient souvent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout et que tout est entre sa main et que c'est lui le maître de toutes choses. Et il mentionne le verset 88 et 89 dans Surat al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé, dites si vous le savez. Ils diront Allah. Et dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui? Donc ça c'est un verset. Et ensuite il mentionne un verset dans Surat Yunus, le verset 21, qui dit, et qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui possède lui et la vue, et qui détient le pouvoir sur lui et la vue, et qui fait sortir la vie de ce qui est mort, et qui fait sortir la mort de ce qui est vivant, et qui contrôle toute chose et toute l'affaire. Ils diront certes Allah. Alors dit, ne le craignez-vous donc pas. Donc ça c'est les versets que le cheikh mentionne pour montrer que même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on posait des questions comme ça aux mushrikin, qui contrôle le monde, qui est le maître de toutes choses et qui fait sortir le vivant du mort et ainsi de suite, eh bien il disait que c'était Allah. Tandis que si tu dis ça à des soufis aujourd'hui qui contrôlent les cieux et la terre et qui contrôlent les événements et qui contrôlent le temps, ils te répondent c'est Qutb al-Zaman, et ils te répondent que c'est Rawth al-Zaman, hein. Et les soufis, ils croient en ces trucs-là, yani. Peut-être pas les petits mourides qui viennent de rentrer dans la tariqa, ils viennent de donner la bay'a au cheikh, ils font juste suivre naïvement, ils savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais tu vois les grosses têtes derrière, ceux qui sont vraiment impliqués dans la da'wa soufia et les principes et les enseignements des soufis, ceux-là, ils savent ces choses-là et ils les prêchent et ils les défendent. Hein? Et moi-même, j'en ai rencontré même ici à Montréal des gens qui font partie justement de différents turuq, hein? Soit qu'ils suivent Ibrahim Nias au Sénégal, hein, le Tijani, ou bien qu'ils suivent d'autres turuq. Parce que maintenant, il commence à y avoir un paquet de turuq ici à Montréal, Allah al-Musta'an. Ils ont vu que les convertis occidentaux sont très attirés par ces groupes exotiques, hein, et qu'ils ont toujours tendance à courir vers tout ce qui est un petit peu excentrique, hein, subhanallah. Donc, si c'est pas Krishna ou je sais pas quoi encore, ils vont entrer dans les soufis, à Naqshbandi, ou bien dans le Bouddhichi, ou bien dans je sais pas quoi d'autre encore. Donc c'est ça les malheurs de soufis et de l'égarement, yani. Sinon ils vont rentrer avec d'autres sectes encore plus graves encore, Allah musta'an. Donc c'est juste pour dire que Allah nous protège et nous guide. Le cheikh il dit ensuite, fa sahha bi hada anna hadha ar-rajul qad faqa shirkuhu shirk al-mushrikin. Donc on peut dire, en se basant sur ça, que on peut dire que c'est clair que le shirk de cet homme a dépassé le shirk des mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et je ne sais pas si la personne qui a une aqidah qui est correcte, hein, Une personne qui est sur une bonne aqidah, est-ce qu'elle va et qui soi-disant combat dans le djihad pour élever la parole d'Allah et pour que la religion soit entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit je ne sais pas si quelqu'un qui a une bonne aqidah comme ça et qui combat ou qui fait le djihad vraiment avec l'intention d'élever la parole d'Allah, est-ce qu'il va accepter de combattre sous les ordres d'un homme pareil qui a une aqidah pareille? Parce que il dit parce que si cet homme réussit à prendre le pouvoir dans un ou à s'établir dans une partie ou dans une région, hein, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir sa croyance et il va faire en sorte que la croyance est la voie qui va s'établir dans l'endroit où il a pris le contrôle, ce sera une voie de shirk. Hein. Donc la réalité, c'est que tu es en train de combattre derrière ces gens-là pour l'établissement des mouchriquins, que Allah nous en protège. Et donc il dit ça, c'est la fin de la citation que je voulais mentionner à ce sujet-là. Donc c'est ça ce qui est dommage aujourd'hui, beaucoup de gens et Annie qui parlent de djihad et tout, et puis ils sont même prêts à aller combattre avec des mouchriquins, contre les mouchriquins, pour établir l'islam, Allah musta'an. Tu vas combattre avec des gens qui connaissent même pas la signification du tawhid. Et je me souviens même à Montréal, une fois, j'ai rencontré un de ces jeunes qui parlait du djihad et qui parlait de toutes sortes de trucs comme ça et qui disait, ouais, en Algérie, c'est le djihad et tout et tout. Et puis après, je lui dis, ya akhi, est-ce que tu connais au moins ta religion? Est-ce que tu connais le tawhid et tout? Il me dit, ben ouais, je connais le tawhid et tout, mashallah. Là, je regarde dans son cou, je vois une amulette, un porte-bonheur. Je dis, subhanallah, akhi, tu parles de tawhid et tout, regarde, qu'est-ce que tu mets dans ton cou? Une main de Fatima avec l'œil et tout, puis tu mets ça dans ton cou, akhi. Je dis, subhanallah, t'imagines si tu vas, soi-disant, t'irais combattre, si jamais il y avait un djihad vrai, hein? Et on sait que c'était pas un djihad, mais c'est juste pour donner un exemple. Et Annie, t'imagines si tu pars avec ça dans ton cou, tu t'en vas combattre et que tu meurs avec ça, comment tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Et donc, subhanallah, la personne était là, restée comme ça, bouche bée. Mais c'est la réalité, subhanallah. Et une fois, je faisais une khutbah à l'université McGill. Et je parlais de tawhid et j'expliquais, yani, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et la réfutation des Asha'ira et des autres Mubtadi'a. Et après la khutbah, il y en a un qui est venu. Il y a ni un homme, pas de barbe, rien. Tu peux même pas savoir s'il est musulman ou juif ou chrétien. Il est venu me voir et me dit, ah, mais pourquoi tu parles pas de djihad? J'ai dit, subhanallah. Alors, quand je l'ai écouté parler, j'ai dit ça, j'ai dit, ok. La semaine d'après, j'ai préparé une khutbah juste pour lui. Et j'ai dit, il y en a des gens qui viennent ici, ils nous disent, mais pourquoi tu parles pas de djihad? J'ai dit, subhanallah, si vous connaissez pas le tawhid, vous allez même pas savoir pour qui vous faites le djihad et avec qui vous faites le djihad et contre qui vous faites le djihad. Parce que la façon dont on sent, dont on voit la réalité maintenant, il y a des gens avec qui vous allez combattre, c'est eux-mêmes, ils ont besoin que vous faisiez le djihad contre eux, hein. Vous faites le djihad avec des gens, c'est contre eux que vous êtes supposé de faire le djihad parce qu'ils font le shirk et ils appellent au shirk. Donc, il y a des gens comme ça qui comprennent pas, yani. Et aujourd'hui, il y en a qui sont en train de dire aux musulmans, parmi des gens qui appellent au shirk et à la bid'a, hein, dans plusieurs sites même, dernièrement j'écoutais ça, yani, ils appellent au shirk et à la bid'a, au nom de l'islam, et après ils disent, il faut s'unir entre tous les musulmans, peu importe leurs croyances, même s'ils ont des différences dans les croyances, c'est pas grave. Ils disent, regardez les Européens, ils se sont tous unis, les pays européens, l'Union européenne, ils se sont tous unis, hein, pour, malgré les divergences, malgré les différences, malgré les croyances et tout, ils se sont mis tous ensemble pour, soi-disant, être contre les États-Unis, hein, pour être contre les États-Unis, pour avoir une économie plus forte, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il dit, nous, pourquoi on ne fait pas la même chose que ces gens-là, hein? Et donc, une personne qui donne des exemples pareils et qui compare l'islam avec qu'est-ce que les koufars de l'Europe sont en train de faire, c'est quelqu'un qui n'a rien compris de l'islam, ni du tawhid, ni de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son but c'était pas juste d'unir les hommes sur n'importe quoi. mais c'est de les unir sur la vérité. C'est pas juste de dire à quelqu'un que c'est pas juste que quelqu'un dise moi je suis musulman, il a le nom, puis après quand tu regardes dans sa aqida, il appelle à des choses de shirk, de tawhid, d'adorer les morts et les tombes et d'invoquer les saints et de sacrifier pour eux, de faire le tawaf autour de leur tombe, et après il dit moi je suis musulman et je veux faire le jihad contre les mushrikines. Allah musta'an. Commence par faire le djihad contre le shirk que tu as en toi-même et contre le shirk que tu es en train de faire, Allah musta'an, avant de parler de je sais pas quoi encore, hein, les Américains et tout, ils commencent à crier. Il y a des gens comme ça, Allah musta'an, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils font des distinctions entre un mushrik et un mushrik. Pour lui, les Américains sont pires que les autres. Hein. Donc, il y a des gens qui n'ont pas tellement bien saisi la réalité du tawhid, encore une fois. Et donc, c'est pour ça que c'est important de concentrer beaucoup notre attention sur ce sujet-là, pour que jusqu'à ce qu'on le comprenne comme il faut, hein, et que les arguments politiques de ces soi-disant islamistes soient réfutés facilement, Inch'Allah, la prochaine fois qu'on vous les rencontrez. Vous leur demandez, qu'est-ce que Allah va te demander le jugement dernier? Première chose, c'est quoi qui est important? Hein? L'économie, la politique, hein? Ou des trucs comme ça, ou bien c'est ta aqida qui va être en premier? Et hein, ta aqida, c'est ça ce qui est la base, hein? La base de tout le reste. Et donc c'est ça l'important. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, قُلْتُ قَارِنْ بَيْنَ هَذَا الْمَقْطَعِ وبين المقطع الأول الذي ذم فيه عزام علماء السلفية وزعم أنهم فقهاء قاعدون لا يهمهم إلا حفظ المتون والحواشي فقط بدون عمل، أليس هذا يدل على أنهم يبغضون السلفيين ويحبون ويتعاطفون مع الوثنيين أصحاب الخرافات والبدع حتى مع الكفار الصرحاء؟ ثم اسمع ايضا الى شركه في الالوهيه. Donc le cheikh il dit, regarde, compare entre cette citation là et la citation qu'on a donnée en premier, dans laquelle Abdul Azzam critique les ulama salafiyin et il prétend que ce sont des savants qui sont restés derrière, qui sont restés assis derrière, et qu'ils sont pas, ils s'inquiètent pas ou ils s'occupent pas pour eux d'autre chose que de mémoriser les livres et les textes et les livres de sciences islamiques sans aucune action. C'est ce qu'ils disent. Pour eux, ça c'est pas de l'action, ça. Quand tu étudies l'ilm et quand tu mémorises les livres et quand tu apprends le Coran et la Sunna et quand tu enseignes aux jeunes et aux vieux la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand tu réfutes les mubtadi'a, et quand tu réfutes les mushrikin, et quand tu réfutes tous les gens d'égarement, et que tu leur clarifies, tu établis la preuve contre eux, ça c'est rien pour eux, ça c'est pas de l'action, ça. L'action c'est quoi? Il faut juste comme si tu montres aux gens que tu es en train de bouger, que tu es en train de faire quelque chose, hein. Ça me fait rire aussi. Il y a cette catégorie là des djihadiens, les gens qui appellent les djihadis, qui appellent à soi-disant faire de l'action. L'action c'est quoi pour eux? Aller faire des actes de vandalisme ou de terrorisme, hein? Aller se mettre une bombe, faire des kamikazes, ou bien quoi d'autre encore, hein? Aller faire de la propagande contre les dirigeants pour essayer d'appeler les gens à les déclarer koufar, ou bien à faire des révoltes contre eux parce qu'ils sont injustes ou parce qu'ils font du mal. Ça c'est de l'action. Ou bien il y a les activistes, hein, style Tariq Ramadan, hein, qui disent non, il faut sortir, il faut être sur le terrain, il faut bouger dans les associations, il faut faire ci, il faut faire ça. Hein, et si tu fais pas ça, hein, tu idolâtres la science, hein, tu idolâtres le savoir. A'udhu billah, comment quelqu'un peut éloigner et prêcher aux musulmans de s'écarter de la science islamique? Et tu le vois, il donne des exemples quand il parle, il dit, il y en a des gens si tu les entends parler, ils sont capables de te citer des hadiths, hein, ils sont capables de te citer des versets. Oui, c'est beau, mais où est-ce qu'elle est l'action, hein? Donc c'est toujours essayer de dénigrer la science de l'islam, hein, par rapport à la science, hein, de la dunya, ou par rapport à l'action. Et la raison de ça, bien sûr, c'est pour éloigner les jeunes de la science islamique et pour éloigner également les jeunes de la compréhension correcte de l'islam, pour que par la suite, justement, des gens comme lui et comme ses semblables vont être capables d'avoir une mainmise sur les jeunes, justement, parmi les musulmans, et pour les contrôler facilement et les envoyer où ils veulent et les faire faire ce qu'ils veulent, aveuglément. Hein? Donc, c'est ça le malheur. Hein? Ils demandent aux gens d'avoir un esprit critique et de critiquer les conférenciers lorsqu'ils font des conférences. Mais s'ils n'ont pas d'ilm de l'islam, comment ils vont critiquer les conférenciers ils vont les critiquer en se basant sur quoi? En se basant sur la philosophie grecque? En se basant sur quoi? Allah musta'an. Donc c'est pour ça l'importance du ilm, l'importance de al-fiqh fi d-din. Hein? C'est que même si tu n'as pas de fiqh, tu ne peux rien pratiquer dans l'islam. Al-Imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il disait? Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. La connaissance avant la parole et avant l'action. Parce que pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'ilm, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas faire le wudu, tu ne peux pas faire le jihad, tu ne peux pas faire n'importe quelle action dans l'islam. Si tu n'as pas d'ilm, tu ne peux pas le faire. Et si tu le fais sans ilm, tu vas le faire, ça ne va pas compter. Parce que tu vas faire des bid'ahs, tu vas faire des erreurs, tu vas faire des choses contraires à la vérité. Et donc ça nous montre l'importance de la science. Mais tu vois, Abdullah Azam et des gens de cette catégorie-là qui suivent le manhaj des ikhwan, toujours en train de dénigrer les ulamas. Et en particulier les ulamas salafiyin. Et ils disent, ah ça c'est des gens, ils sont restés derrière, ils sont pas sortis, hein. Et ils font pas d'action, hein. Il faut aller vers les gens qui sortent, hein. Les vrais mujahidines, c'est les vrais ulama, c'est les mujahidines, c'est ceux qui sont en prison, hein. C'est pas les grands kibar ulama qui enseignent et qui donnent nasiha, qui donnent l'ilm aux gens. Non, ça c'est pas eux. Eux sont pas les ulama pour eux, hein. Donc ça, c'est ça l'égarement de ces gens-là. Il y en a un qui me voit, j'en ai vu un autre jour, il commence à faire un discours, il commence à parler, Allah musta'an, il commence à me dire, les ulamas, il commence à critiquer les ulamas, il commence à attaquer Cheikh Ibn Baz et d'autres. Et après, il me dit, les vrais ulamas, j'ai dit, c'est qui les vrais ulamas? Il dit, ah, c'est Ben Laden, et Zawahiri, c'est eux les ulamas pour lui. Mais ces gens-là, c'est pas des ulamas, c'est des médecins, des gens qui ont étudié en gestion, en administration, des trucs comme ça, dans les universités occidentales, ou bien dans les universités des pays musulmans, mais ils ont pas étudié la science islamique, c'est pas des ulamas, ces gens-là. Hein? C'est des gens qui suivent la tendance des hizbis, hein, comme Sayyid Qutb, et des journalistes qui s'improvisent, soi-disant des intellectuels islamistes, et puis ils commencent à vouloir parler de religion sans se référer aux savants de l'islam, hein, et qui amènent les gens dans l'égarement. Et les savants, même des savants qui ne sont pas sur la voie des salafs, hein, même parmi des savants et des chouïrs qui ne sont pas sur la voie des salafs, parmi certains chouïrs de l'Azhar, à l'époque de Sayyid Qutb, ont réfuté Sayyid Qutb. Et ils ont montré ces égarements. Hein? Donc imaginez, si même des chouyouks et des ulama de l'Azhar qui ne sont même pas salafis, ils ont réfuté Qutb. Alors imaginez, qu'est-ce que les ulama salafis vont faire avec Qutb. Hein? C'est pour vous donner des exemples. Donc il dit, comparez ça et comparez cette parole qui de Azam lorsqu'il critique les ulama salafines et qui disent qu'ils font de l'étude, mais ils n'agissent pas, ils ne sont pas actifs, ils ne font pas d'action. N'est-ce pas que ça montre de la part de ces gens-là qu'ils détestent les salafines et qu'ils ont de l'amour et des sentiments et de l'affection pour les gens qui font toutes sortes d'idolâtrie et qui aiment les superstitions et les bid'a et les innovations, et qu'ils aiment même les kuffars qui sont clairement dans le kuffre, hein, comme les chrétiens et les juifs, et ils disent ce sont nos frères dans la religion, hein, ce sont nos frères, ikhwan, Allah musta'an. Et tu les entends maintenant, ils font des dialogues avec les gens des différentes religions, et dans les dialogues tu les entends dire avec les chrétiens qu'il faut se réunir, hein. Et les chrétiens, ils appellent à de réunir tous les chrétiens ensemble, peu importe la secte chrétienne, et ils appellent maintenant à réunir tous les musulmans, peu importe la secte musulmane, et après ils appellent à réunir toutes les religions pour les unifier ensemble pour en faire juste une, hein. Et c'est ça ce qu'ils pensent, qu'ils pensent faire en voulant faire le dialogue soi-disant. Donc maintenant même, c'est ça, il y a quelqu'un qui mettait l'annonce dernièrement que il y a une personne qui vient de Paris, là, de la mosquée de Paris, qui vient pour donner un discours ou je sais pas quoi, pour parler à propos de justement de ce sujet-là, les fois ibrahimiques, hein, puis l'unité des religions monothéistes comme ils les appellent. Comme s'ils essaient de réunir le judaïsme, l'islam et le christianisme en une seule religion. Parce que, soi-disant, on se réfère tous à Abraham. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réfuté cette idée avant même qu'elle soit apparue dans le siècle actuel. Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cette idée-là et il a dit « Ma kana Ibrahim yahoudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima » ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين. C'est pour dire Ibrahim, il n'était pas un juif, il n'était pas un chrétien, il est venu avant les juifs, il est venu avant Moïse, il est venu avant Jacob, et les fils d'Israël, c'est les fils de Jacob. Donc Abraham est venu avant Jacob, avant la Torah. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'était pas juif, hein, il n'était pas chrétien non plus, il est venu avant l'évangile, avant Jésus. Voilà, qu'il kana hanifan muslima. Mais c'était quelqu'un qui était un musulman soumis à Allah, qui croit en la ilaha illallah, qui rejette l'idolâtrie, qui rejette les idoles, qui rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui ne fait pas de shirk. Et c'est ça l'islam. Et c'est la religion de tous les messagers d'Allah, de tous les prophètes. Et cette religion de l'islam, de la ilaha illallah, elle existait même avant l'existence de Moïse, et avant l'existence de Isa, et avant l'existence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis Adam alayhi salam. Donc il dit, et maintenant écoutez maintenant son shirk dans al-uluhiyya. Vous avez entendu des exemples de Mujaddidi lorsqu'il parle de son shirk dans Ar-Rububiyya. Maintenant écoutez son shirk dans Al-Uluhiyya, dans l'adoration. حيث نقل صاحب المصدر المذكور أنه قال في صفحة ثمانية صفحة ثمانية وفي هذه الحالة يوجد أشخاص يعني السلفيين يريدون إدخال مذاهب أخرى في أفغانستان ويريدون الدعوة إليها وهم يحكمون علينا بالشرك ويقولون أنتم مشركون لأنكم تقولون يا محمد أستغفر الله. في أي منطق هذا؟ وفي أي دين هذا؟ وفي أي مذهب هذا؟ إذا قلت يا وزير يا ملك ومن هؤلاء الناس الذين قلوبه مثل الحجر لا يكون شركا؟ وإذا ناديت باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل العالمين يكون شركا؟ قلت ألا ترى أيها القارئ المحب للحق أن هذا الرجل قد جمع الشرك بحذافيره، شرك الربوبية وشرك الألوهية، وتجاوز في شركه كل المشركين الذين سبقوه، ومع ذلك فقد رضي به عزام وفئته وفئته رئيسا للدولة التي يسعون في إقامتها مع ما ظهر منه من استخفاف بالسلفية وظلم لأصحابها الموحدين وعلى هذا فقل على الإسلام فقل على الإسلام السلام إن تمكن هؤلاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. Qu'est-ce qu'il dit comme exemple? Il dit, regardez son exemple dans le shirk fil uluhiyya, qui est rapporté dans le même livre qu'on a mentionné tout à l'heure, At-Tariq ila Jama'at al-Umm. Il parle de, à la page 8, il mentionne, dans le même livre qu'on a mentionné, dans le même livre, il cite, le livre de Sibratallah Mujaddidi, à la page 8, il dit, là, il parle de qu'est-ce qui se passe en Afghanistan et de la da'wah des salafiyyin qui appellent au tawhid. Il dit, il y a certains individus, et en voulant dire les salafis, ils veulent faire rentrer en Afghanistan d'autres mazahib, d'autres voies. Et ils veulent appeler à ces voies-là. Et ils disent, ils jugent que nous sommes sur le shirk. Hein? Ils disent que nous sommes sur le shirk. Et ils disent, vous êtes des mushrikoun parce que vous dites, ô Muhammad, et vous invoquez, ô Muhammad. Astaghfirullah. Il dit, astaghfirullah. Quelle logique, et il dit, c'est quelle raison ça? Et c'est quelle religion ça? Dans quelle voie ça? De quel madhab ça? Donc il répond comme s'il est étonné du fait qu'on le critique parce qu'il invoque Mohammed ou qu'il appelle Mohammed. Ou yastarif, hein? Ils font al-istirasa par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit astaghfirullah comme si c'était un péché de dénoncer ça. Ou de dire que c'est shirk. Et ensuite il dit, c'est dans quelle raison et dans quelle religion une chose pareille? Puis il dit, si quelqu'un, il donne un exemple pour essayer de justifier qu'est-ce qu'il fait. Il dit, si quelqu'un dit, ô wazir, ô malik, c'est-à-dire ô ministre, ô roi, hein, en l'invoquant ou bien en s'adressant à lui. Alors que ce sont des gens qui ont des cœurs comme des pierres, il dit, ça c'est pas shirk. Mais si tu appelles au nom de messager d'Allah, hein, tu appelles le messager d'Allah, qui est la meilleure des créatures, ça c'est shirk. Donc il essaie de comparer le fait que tu t'adresses à un roi et que tu dises « oh un tel » et que tu t'adresses au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est décédé, hein, il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Et donc de l'invoquer lorsque tu as un malheur ou une difficulté, c'est pas du tout comparable avec le fait de t'adresser à un roi ou à un ministre lorsqu'il est vivant. Hein? Donc c'est comme ça que des gens comme ça amènent des shubuhat pour essayer de justifier et de défendre le shirk qu'ils font. Après le shirk, il dit, voici, le shirk Ahmed al-Najmi, il continue et il dit, tu vois bien, hein, en s'adressant au lecteur, il dit, vous voyez bien, cher lecteur, hein, qui aimait la vérité, que cet homme a réuni toutes les formes de shirk. Le shirk dans Ar-Rububiyya et le shirk dans Al-Uluhiyya, et il a même dépassé le shirk des premiers mushrikines qui l'ont précédé. Et malgré cela, Azam, Abdullah Azam, est satisfait de lui en tant que chef de son état, l'état qu'ils essaient d'établir, hein, c'est-à-dire à l'époque. Parce que là, il est mort. Abdullah Azam, il est mort. Yani, qu'Allah le pardonne. Et il dit, yani, malgré tout ce qui est apparu de cet homme-là, de shirk et d'égarement et de rabaissement de la salafia, hein, et de l'injustice envers ceux qui appellent à la salafia et qui appellent au tawhid, malgré tout ça, yani, il est satisfait de cette personne. Donc si c'est ça que ces gens-là veulent en fait établir au nom de l'islam, alors dites salam à l'islam, hein, si ces gens-là arrivent à faire ce qu'ils veulent. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, le shaykh il dit. Donc c'est pour dire comment ces gens-là prétendent vouloir établir l'islam alors qu'ils combattent le tawhid. C'est l'absurdité totale. Et ensuite, al-wajh al-tasi', le point numéro 9, amma qawluhu wa ayqantu akthar min ayyi waqtin mada ittifaq al-fuqaha al-barizin ala adam inqiqad al-bay'ati li fasiq واشتراط العلم والتقوى لمن يلي أمرا من أمور المسلمين أو يتصرف في شؤونهم فيرد عليه في هذا المقطع من وجوه. Donc vous voyez comment ces gens de, par exemple, de takfir aujourd'hui, puis les khawarij de notre époque, quand vous leur parlez de religion, la première chose qu'ils viennent te dire, c'est parler des dirigeants. Première chose, toujours en train de critiquer les dirigeants. Et là, on a un exemple des gens qui sont en Afghanistan et qui prétendent être en train de faire le djihad et qui sont sur des formes de shirk, hein, le dirigeant de leur groupe de mujahidin, soi-disant, est en train d'appeler à des croyances de shirk, hein, et eux, ils ne disent rien pour ce shirk, et ils acceptent. Donc, pour eux, c'est comme si le shirk, c'est seulement qu'est-ce qui a rapport avec les lois et la gouvernance. Donc, pour eux, ils s'imaginent quoi ? Que si on est en train d'appliquer la charia, soi-disant, hein, de lapider les gens qui font l'adultère, de couper les mains des gens qui volent, ou il y en a des choses de ce genre parmi les règles de la charia, là, peu importe qu'est-ce que tu fais par la suite, c'est pas grave. Tu peux faire le shirk, tu peux invoquer les morts, faire le tawaf autour des tombes, hein, faire tout ce que tu veux comme shirk. Du moment que tu appliques les règles de punition sur les voleurs, sur les criminels, ah là, dans ce cas-là, ça y est, t'as appliqué la charia, t'es correct. Mais le shirk, ça, c'est pas grave. Hein? Celui qui pense ça ou qui comprend comme ça, ça veut dire qu'il n'a pas compris le tawhid du tout. Et le shirk, et ce shirk-là est plus grave, hein? Parce qu'il est répandu parmi toute la population, souvent dans des pays musulmans, c'est des croyances populaires que les gens ont. Hein? Des gens qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent pas le tawhid, qui ne connaissent pas l'islam, mais ils ont ces croyances-là ancrées dans leur cerveau. Hein? Subhanallah. Si dans certains pays musulmans, si tu contredis ces choses-là, des choses qui n'ont aucune preuve, aucun support dans le Coran et dans la Sunna, tu fais le contraire, ils vont se mettre tous contre toi, ils vont te critiquer, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais, hein? Mais si tu contredis le Coran et la Sunna, et les paroles des salafs et la voix des salafs, c'est comme si pour eux c'est rien du tout. Yani, c'est pas grave. Parce que pour eux, ils ont tellement ignoré la religion d'Allah, ils ont tellement mis les paroles des gens, des shuyukh soufis au-dessus du Coran et de la Sunna, que maintenant ils ne peuvent même plus distinguer entre qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est le faux de ces choses-là. Et donc, le cheikh, il dit, il cite les paroles de Abdullah Azzam encore une fois dans le point numéro 9. Et il dit, quand Abdullah Azzam dit, et je suis convaincu aujourd'hui plus que à n'importe quelle époque auparavant, que de l'accord des savants qui sont au devant, qu'on ne peut pas faire une bay'a ou conclure un serment d'allégeance pour une personne qui est fasiq, qui est un pécheur. Et qu'il faut qu'il ait la condition de la science et de la piété, de la crainte, at-taqwa, pour celui qui s'occupe ou qui dirige les affaires des musulmans et qui s'occupe des affaires des musulmans. Donc, le cheikh, il réfute maintenant cette parole-là avec plusieurs points. Donc, en partant, déjà, je dois vous avertir que le cheikh, maintenant, il va commencer à réfuter cette parole-là d'Abdullah Azzam, mais il y va jusqu'au bout, c'est-à-dire il mentionne tout ce qu'il y a à mentionner à ce sujet-là pour vraiment convaincre les lecteurs de ce point. Par exemple, il va citer les hadiths qui parlent justement de ce sujet-là pour établir la preuve. Ensuite, il va citer les paroles des ulama qui expliquent les hadiths en question. Et ensuite, il va même mentionner des paroles des imams de la da'wa salafia et des imams des salafs qui confirment tout ce qui est mentionné dans ces hadiths-là, du fait que Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah ne croient pas ou ne sont pas d'accord avec le fait de se rebeller contre un dirigeant, qu'il soit un dirigeant qui est bar, c'est-à-dire qui est bon, qui est pieux, qui est honnête, ou qu'il soit fajr, c'est-à-dire qu'il soit un homme pervers, corrompu, hein, qui fait des péchés, ou zalim, hein, c'est-à-dire qui est injuste, ou ja'ir, hein, qui soit un tyran, ou quelqu'un de, hein, comme ils disent, un despote, hein, ou un tyran. Ça, c'est les termes qu'ils aiment utiliser. Et quand tu les vois, ils parlent à Torat, hein, les tyrans, ils les appellent. Et donc, ça, c'est les termes qu'ils ont. Ils écrivent des livres maintenant pour faire le takfir des dirigeants, a'oudoubillah. Ils suivent vraiment la voie des Khawarij. Et quand tu leur dis qu'ils sont des Khawarij, ils sont offensés. Hein, pourquoi tu dis que je suis un Khawarij? Hein? Et ainsi de suite. Ils ne comprennent pas la différence entre la sunna et la bid'ah. Donc, on va lire ensemble ça. Il faut que vous soyez patients, inshallah. Parce que c'est sûr qu'on les connaît, souvent on les connaît ces preuves-là, mais il y en a peut-être parmi les musulmans, parmi certains d'entre nous-mêmes, parmi les frères salafiyins et les sœurs également, qui n'ont pas entendu ces hadiths-là. Et donc parfois, c'est bon de les mentionner et de les relayer justement pour se rappeler de ces hadiths-là, surtout à l'époque actuelle où on a tellement caché ces hadiths et on les a tellement mis de côté comme s'ils n'existaient pas justement, pour que les hizbiyyin se permettent justement d'utiliser l'ignorance qui existe à ce sujet pour en profiter pour faire leur mouvement de rébellion, puis pour faire leur propagande pour leur parti et inciter les gens contre les dirigeants musulmans. Donc le cheikh il commence, il dit il va répondre par points, d'accord? Le premier point, il dit al-awwal fi qawlihi ayqantu akthar min ayyi waqtin mada ittifaq al-fuqaha al-barizin ala adam inqad al-bay'ati li-fasiq hikayatu ijma'. Lianna kalimat ittifaq al-fuqaha al-barizin ma'nahu ijma'uhum ala dhalik wa hadha al-ijma' al-mudda'a ghayr sahih bal إن هذا الادعاء ادعاء باطل ترده ظواهر الأدلة من كتاب وسنة وإجماع أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على الوالي المسلم وإن كان جائرا فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفسر أولي الأمر منكم بالأمراء والعلماء فطاعتهم واجبة سواء كانوا من أهل العدل أو من أهل الجور وللأدلة الآتية Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit je suis convaincu, Abdul Azam a dit je suis convaincu maintenant plus que jamais auparavant que de l'accord des fuqaha qui sont de l'avant qu'on ne peut pas donner la bay'a à un fasiq, à un homme qui est pécheur. Et quand il dit ça, c'est comme si en réalité il était en train d'affirmer une ijma, un consensus. Parce que quand tu dis « ittifaq al-fuqaha al-barizin », l'accord des fuqaha, des savants al-barizin, qui sont apparents, qui sont de l'avant, ça veut dire que tu dis qu'ils ont un consensus à ce sujet-là. Et ce consensus, ce soi-disant consensus n'est pas vrai, c'est faux. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez des gens de bid'a. Ils déclarent des choses comme faisant partie d'une ijma alors qu'elles n'ont rien à voir avec l'ijma et qu'il n'y a pas d'ijma. Au contraire, même parfois, l'ijma est le contraire de ce qu'ils disent, eux. Et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué dans la parole de plusieurs d'entre ces gens-là. Sans parler de d'autres, subhanallah, comme Tariq Ramadan, à chaque fois qu'il parle, dit, la majorité des savants, les savants, subhanallah, et il cite, rarement il cite les savants de qui il a pris. Et quand il cite parfois certains savants, il va mentionner un savant, et il va même pas mentionner la référence ou d'où est-ce qu'il a pris cette citation. Et là, Abdul Azam, il est en train de nous faire la même chose. Il est en train de nous dire qu'il y a une ijma, qu'il y a un accord entre les fuqaha, al-barizin, mais il n'y en a pas cet accord-là et se retrouve nulle part. Et donc le cheikh il dit, cette soi-disant ijma, elle n'existe pas. Elle est fausse même. C'est une fausse prétention. Et elle est réfutée par les textes apparents par le sens apparent des textes du Coran, de la Sunna et du consensus de Ahl Sunnati wal Jama'a, de l'interdiction pour un musulman de prendre les armes et de sortir et de se rebeller contre un dirigeant musulman, même s'il est injuste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 59 dans Sourate An-Nisa, « Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Et on a interprété, ou les salafs ont expliqué que « Ulil amri minkum » ceux qui détiennent le commandement parmi vous sont les dirigeants et les savants. Et qu'il est obligatoire de les obéir dans le bien, bien sûr, hein, dans ce qui n'est pas haram. Peu importe que ce soit des gens de justice ou des gens d'injustice, c'est-à-dire on est obligé de les obéir, hein. Et c'est pas comme ces gens aujourd'hui qui sont en train de dire oh, dans nos pays c'est la dictature, ça fait des siècles qu'il y a de la dictature, il faut être contre la dictature, il faut être avec les démocrates, hein, et les socialistes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça vient de où dans le Coran? Ça vient de où dans la... Montrez-moi ça dans le Coran, montrez-moi ça dans la Sunna, où c'est écrit? On voit les preuves dans le Coran et dans la Sunna, le contraire de ce que ces gens-là disent. Donc c'est à quel point ils sont égarés. Ils sont égarés et ils ne savent même pas qu'ils sont dans l'égarement. Donc le cheikh, il dit, donc, et on va mentionner les preuves de ça. Parmi les preuves, وروى مسلم وابن ماجه والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف وفي رواية للبخاري وفي الأدب المفرد ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. Hein? Donc le cheikh dit ça a été rapporté par l'imam Muslim et Ibn Majah et At-Tayalisi et l'imam Al-Bukhari dans Al-Adab Al-Mufrad et c'est un hadith selon Abi Dharr Al-Ghifari radiyallahu anhu dans lequel il dit mon Khalil, c'est-à-dire mon ami, hein, mon grand ami a dit, il m'a incité ou il m'a donné comme conseil d'écouter et d'obéir, même si celui qui est au-dessus de moi ou qui est mon chef est un esclave éthiopien à qui on a coupé tous les membres de ses extrémités. C'est-à-dire il a plus de jambes, il a plus de bras et on lui a coupé le nez, les oreilles et tout. Peu importe, Yannick, son état, s'il est à ta tête, c'est lui ton chef, c'est lui ton dirigeant. Peu importe son apparence physique, peu importe son état, yani comment il a l'air, s'il est beau ou laid, peu importe, yani qu'est-ce qu'il peut avoir comme état, tu dois lui obéir dans le bien, hein, et tu n'as pas le droit de rejeter son autorité. Et même il mentionne la version de l'imam al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad, il dit même si c'est un Éthiopien et que sa tête était comme un raisin sec. Donc ça c'est des exemples pour dire que il faut pas que tu t'imagines que parce que ton dirigeant il n'a pas des doctorats, il n'a pas des maîtrises, il n'a pas étudié à la Sorbonne, ou à je sais pas quel autre pays, quelle autre université, qu'il n'a pas l'apparence d'un homme qui est très beau, qui est très apparent et qui est fort et tout, hein. Peu importe, si c'est lui qui est au-dessus de toi, c'est lui ton dirigeant, tu l'obéis. Tu l'obéis pas pour lui seulement, mais tu l'obéis parce que Allah t'ordonne de l'obéir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de l'obéir dans le bien. Hein? Et donc, en l'obéissant, tu obéis à Allah et tu obéis à son messager. Peu importe son apparence. Aujourd'hui, quand il y a un dirigeant ou quelqu'un qui est au pouvoir dans un pays musulman, les gens qui ont étudié en Occident parmi les habitants de ce pays, ils disent « Ah, mais non, il n'est pas qualifié, il n'a pas fait de hautes études, il ne peut pas être au-dessus de nous, nous méritons mieux, nous méritons plus que lui d'être à sa place. Hein? » Tu vois, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence l'arrogance et l'égarement et la jalousie et la voix des de se révolter et de se rebeller contre les dirigeants. Hein? Si t'as pas toutes ces choses-là, ils t'acceptent pas. Comme, un peu comme les Juifs, comme ils ont fait à l'époque de Talut. Lorsqu'ils ont demandé à leur roi, ils ont demandé à leur prophète de leur choisir un roi pour combattre, soi-disant. Et quand on leur a présenté le roi, ils ont dit, ah, mais non, on peut pas être notre roi, celui-là, il a pas beaucoup d'argent, et puis il est pas comme nous, subhanallah. Donc c'est pour dire, il a pas d'argent, il est pauvre, il est comme ça. Donc c'est pour ça aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la même chose que ces gens-là, ils amènent. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc qu'on doit obéir. Ensuite, il ramène un autre hadith. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Donc, encore une fois, c'est rapporté par Al-Bukhari, l'imam Al-Bukhari, et l'imam Muslim, et l'imam Al-Tirmidhi, et l'imam Al-Nasa'i, et l'imam Ibn Majah, et l'imam Ahmad, et l'imam Abu Daoud. Tous ces imams, ils ont rapporté le hadith selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le musulman, l'individu musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qui lui déplaît. Et sauf si on lui ordonne de faire un péché, parce que si on lui ordonne de faire un péché, il n'y a ni écoute ni obéissance. Donc là, ici, on voit il y a la restriction de l'obéissance dans ce qui est uniquement dans ce qui n'est pas un péché. Si on t'ordonne de faire un péché, quelque chose qui est haram, tu n'as pas le droit d'obéir. Mais dans toute autre chose, dans ce qui n'est pas haram, tu dois obéir. Dans ce que tu aimes et dans ce qui te déplaît, tu dois obéir. D'accord? Donc ça, c'est les exemples qui sont mentionnés à ce sujet-là et qui nous montrent que si un dirigeant est au pouvoir et qu'il te dit de faire des péchés, dans ça, tu n'as pas le droit d'obéir. Mais dans ce qui est pas un péché, même si c'est pas quelque chose d'obligatoire dans l'islam, si c'est pas un péché, il t'ordonne de faire quelque chose qui est bien, qui est pas un péché, t'es obligé de l'obéir. Et ça, c'est la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. D'accord? Donc, ça, c'est pour nous faire comprendre en même temps aussi qu'aujourd'hui, des fois, c'est pas toujours ce qui se passe. On voit que des fois, les musulmans aujourd'hui, ils obéissent dans le péché, puis dans ce qui est bon, ils désobéissent. Allah al-Musta'an. La population, des fois, font le contraire de ce hadith. Quand le dirigeant dit aux gens de faire des péchés, ils obéissent dans le péché. Mais dans ce qui est bon, que le dirigeant ordonne, ils désobéissent. Allah musta'an. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre hadith. في حديث أبي حذيفة وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut, le hadith de Hudhayfa ici, il nous montre comment agir envers des dirigeants qui sont en train d'appeler aux portes de l'enfer. Hein? Il nous montre comment agir envers des dirigeants qui appellent aux portes de l'enfer. Il dit, Hudhayfa, il dit, et est-ce qu'il y aura après ce bien quelque mal? Est-ce qu'il y aura un mal après le bien qui est venu au début? Il dit oui, il y aura des gens qui appellent aux portes de l'enfer. Ceux qui les écoutent, qui les suivent, qui répondent à leur appel, ils vont être jetés dans l'enfer. Alors il dit, Hudhayfa dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu peux nous les décrire? Il dit oui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit oui. Ce sont des gens de la même peau que nous et qui parlent la même langue que nous. C'est-à-dire, ils ont la même couleur que nous. Ce sont des gens de même race que nous, même origine que nous, et qui parlent la même langue que nous. Et il dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi quoi faire si j'arrive dans une situation pareille et que je vois ces gens-là. Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu restes avec la jama'a des musulmans et avec leurs dirigeants. Et il dit, mais s'ils n'ont pas de jama'a, s'ils n'ont pas de groupe, s'ils n'ont pas de dirigeants, qu'est-ce que je fais? Il dit, dans ce cas-là, tu laisses tomber tous les groupes, même si tu dois t'accrocher au tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Tu restes comme ça. Donc, ça c'est ce hadith. Et plus tard, il y a l'explication qui va venir à propos de ce hadith-là. Et ensuite, il mentionne un autre hadith. On va terminer avec ce hadith-là pour aujourd'hui. Le hadith d'Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans lequel il dit, وقال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر, فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات, فميتته جاهلية. Donc ça c'est un hadith qui est très important également, qui est rapporté par Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari et Muslim, et qui dit que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui voit de son dirigeant quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il soit patient, qu'il endure. Parce que s'il se sépare de la jama'a d'un pouce, hein, d'une distance, que ce soit de la distance de, comme on dirait, shibran, c'est la longueur d'une main. Donc s'il se sépare de son dirigeant de la longueur d'une main et qu'il meurt dans cet état, il sera mort comme on mourait à l'époque de la jahiliya, c'est-à-dire sans dirigeant et dans yani l'égarement. Donc ça c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si tu vois un dirigeant et qu'il fait quelque chose que tu n'aimes pas, c'est-à-dire qu'il fait un péché, qu'il fait des choses haram, hein, alors sois patient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit révolte-toi, critique-le, parle contre lui. Non, il a dit sois patient. Hein? Parce que si tu te sépares et que tu appelles à te révolter contre lui et à te séparer de sa jama'a et de son autorité, et que tu meurs dans cet état-là, tu seras dans une situation mauvaise au jugement dernier. Hein? Donc on va parler de ça plus en détail, Inch'Allah. C'est un sujet très important parce qu'il y a beaucoup de, comme on dit, rouaybida, hein? Des gens, des rouaybida. C'est quoi les rouaybida? C'est des gens insignifiants, hein? Des gens insignifiants qui parlent de choses importantes dont ils n'ont aucune connaissance ni compréhension. Et à l'époque actuelle, c'est ça ce qui se passe. Les gens se permettent de parler de ces choses-là sans jamais se référer aux ulama de l'islam. Hein? Et donc, ils suivent la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donnée à leur sujet. Ils sont des rouaybida. Ils parlent ce sont des gens insignifiants. Ar-rajul tafih. يتكلم في أمور العامة. Donc des choses comme ça. Donc des gens comme ça qui parlent de ces sujets-là et qui en parle sans aucune science et qui essaie de réfuter les ulama de l'islam. Allah musta'an, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que Allah nous protège de l'égarement et de l'ignorance et qu'il nous guide au droit chemin. Tous, amin. Et donc, on va s'arrêter aujourd'hui sur ce point et on continuera l'explication la semaine prochaine. Bi'ibnillah. Toutefois, demain, on a le dars sur les droits et les devoirs de l'homme et de la femme en islam du Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Donc, hafizahullah, donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.